Chapitre 2e, Charles VII, Henri VI, 1422-1429, siège d'Orléans. Le jeune roi, élevé par les Armagnacs, trouvant en eux son principal appui, et aussi il partagea leur impopularité. Ces Gascons étaient les soldats les plus aguerris de la France, mais les plus pillards, les plus cruels. La haine qu'ils inspiraient dans le Nord aurait suffi pour y créer un parti bourguignon anglais. Les brigands du Midi semblaient plus étrangers que les étrangers. Charles VII essaya ensuite des étrangers même, de ceux qui avaient l'habitude des guerres anglaises. Il appela les Écossais. C'étaient les plus mortels ennemis de l'Angleterre. On pouvait compter sur leur haine autant que sur leur courage. On plaça dans ses auxiliaires les plus grandes espérances. Un Écossais fut fait connétable de France, un Écossais comte de Touraine. Cependant, malgré leur incontestable bravoure, ils avaient été souvent battus en Angleterre. Ils le furent en France, à Crevant, à Verneuil, 1423-1424, non seulement battus mais détruits. Les Anglais prirent garde qu'il n'en échappât. On prétendit que les Gascons, jaloux des Écossais, ne les avaient pas soutenus. Les Anglais faillirent donner à Charles VII un allié bien plus utile et plus important que les Écossais. Je parle du duc de Bourgogne. Il y avait deux gouvernements anglais, celui de Gloucester à Londres, celui de Bedford à Paris. Les deux frères s'entendaient si peu qu'au même moment Bedford épousait la sœur du duc de Bourgogne et Gloucester commençait la guerre contre lui. Un mot sur cette romanesque histoire. Le duc de Bourgogne, comte de Flandre, croyait n'avoir vraiment sa Flandre que quand il l'aurait flanquée de Hollande et de Hainaut. Ces deux comtés étant tombés entre les mains d'une fille, la comtesse Jacqueline, le duc de Bourgogne maria cette fille à un sien cousin, un enfant maladif, espérant bien qu'il ne viendrait rien de ce mariage et qu'il hériterait. Jacqueline, qui était une belle jeune femme, ne se résigna pas, laissa son triste mari, passa lestement le détroit et se proposa elle-même au duc de Gloucester. Les Anglais, qui ont les Pays-Bas en face, qui les ont toujours couvés des yeux, ne pouvaient guère résister à la tentation. Gloucester fit la folie d'accepter, en 1423. C'était d'ailleurs un petit génie, ambitieux et incapable. Il avait autrefois visé au trône de Naples. Il voyait son frère Bedford régner en France, tandis qu'en Angleterre, son oncle, le cardinal Winchester, réduisait à rien son protectorat. Il prit donc en main la cause de Jacqueline, commençant ainsi contre le duc de Bourgogne, contre l'indispensable allié des Anglais, une guerre qui, pour celui-ci, était une question d'existence, une guerre sans traité, où le souverain de la Flandre risquerait jusqu'à son dernier homme. C'était hasarder la France anglaise, mettre en péril Bedford, Gloucester, il est vrai, ne s'en souciait guère. Le duc de Bourgogne, irrité, conclut une secrète alliance avec le duc de Bretagne. Puis, il lança à Bedford deux réclamations d'argent. Premièrement, la dot de sa première femme, fille de Charles VI, 100 000 écus. Deuxièmement, une pension de 20 000 livres qu'Henri V lui avait promise pour l'amener à reconnaître son droit à la couronne. Que pouvait faire Bedford? Il n'avait pas d'argent. Il offrit à sa place une possession inestimable au-dessus de toute somme d'argent, Péronne, Montdidier et Roy, Tournai, Saint-Armand et Mortaigne, c'est-à-dire toute sa barrière du Nord. Septembre 1423. À chaque folie de Gloucester, Bedford payait. En 1424, Gloucester, comme chevalier de Jacqueline, défie le duc de Bourgogne en combat singulier. Cette bravade n'eut pas d'autre suite, sinon que Bedford en faillit périr. Les bandes de Charles VII vinrent se loger au cœur même de la France anglaise, en Normandie. Il fallait une bataille pour les chasser de là. Elle eut lieu le 17 août 1424 à Verneuil. Dès le mois de juin, Bedford avait regagné le duc de Bourgogne par une concession énorme. Il lui avait engagé sa frontière de l'Est, Bar-sur-Seine, Auxerre et Mâcon. Toute la France du Nord risquait fort de tomber ainsi, morceau par morceau, entre les mains du duc de Bourgogne. Mais tout à coup, le vent changea. Le sage Gloucester, au milieu de cette guerre commencée pour Jacqueline, oublie qu'il l'a épousée, oublie qu'au moment même elle est assiégée d'Amberg et il en épouse une autre, une belle anglaise. Cette nouvelle folie eut les effets d'un acte de sagesse. Le duc de Bourgogne se laissa réconcilier avec les Anglais et fit semblant de croire tout ce que lui disait Bedford. L'essentiel pour lui était de pouvoir dépouiller Jacqueline, d'occuper le Hainaut, la Hollande, ensuite le Brabant, dont la succession ne devait pas tarder à s'ouvrir. Charles VII ne profita donc guère de cet événement qui semblait pouvoir lui être si utile. Tout l'avantage qu'il en tira, c'est que le comte de Foix, gouverneur du Languedoc, comprit que le duc de Bourgogne tournerait tôt ou tard contre les Anglais. Il déclara que sa conscience l'obligeait de reconnaître Charles VII comme le roi légitime. Il lui soumit le Languedoc, bien entendu que le roi n'en tirerait ni argent ni troupes, qu'il n'y troublerait en rien la petite royauté, que s'y était arrangé le comte de Foix. L'amitié des maisons d'Anjou et de Lorraine semblait devoir être plus directement utile au parti de Charles VII. Le chef de la maison d'Anjou se trouvait alors être une femme, la reine Yolande, veuve de Louis II, duc d'Anjou, comte de Provence et prétendant au royaume de Naples. Cette veuve était fille du roi d'Aragon et d'une Lorraine de la maison de Bar. Les Anglais ayant fait l'insigne faute d'inquiéter les maisons d'Anjou et d'Aragon pour le trône de Naples, Yolande forma contre eux l'alliance d'Anjou et Lorraine avec Charles VII. Elle maria sa fille à ce jeune roi et son fils René à la fille unique du duc de Lorraine. Ce dernier mariage semblait bien difficile. Le duc de Lorraine, Charles le Hardi, avait été un violent ennemi des maisons d'Orléans, d'Armagnac. Il avait épousé une parente du duc de Bourgogne. Au massacre de 1418, il avait reçu de Jean sans peur l'épée de Connétable. En 1419, nous le voyons subitement changé, ennemi des Bourguignons, tout français. Pour comprendre ce miracle, il faut savoir que dans cette éternelle bataille qui fut la vie de la Lorraine au Moyen-Âge, les deux maisons rivales, Lorraine et Bar, s'étaient usées à force de combattre. Il restait deux vieillards, le duc de Bar, vieux cardinal, et le duc de Lorraine, qui n'avait qu'une fille. Le cardinal assura son duché à son neveu René, et pour réunir tout le pays, demanda pour René l'héritière de Lorraine au nom de Dieu et de la paix. Le duc, gouverné alors par une maîtresse française, consentit à donner sa fille et ses états à un prince français de cette maison de Bar, si longtemps ennemi de la sienne. Les Anglais y avaient aidé en faisant au duc de Lorraine le plus sensible outrage. Henri V lui avait demandé sa fille en mariage et il épousa la fille du roi de France. En même temps, il inquiétait le duc en voulant acquérir le Luxembourg aux portes de la Lorraine. L'irritation de Charles le Hardi augmenta lorsqu'en 1424, les Bourguignons, auxiliaires des Anglais, occupèrent en Picardie la ville de Guise qui lui appartenait. Alors, il assembla les états de son duché et leur fit reconnaître la Lorraine comme fief féminin et sa fille, femme de René d'Anjou, comme son héritière. La grandeur de la maison d'Anjou, son étroite union avec Charles VII, devait, ce semble, fortifier le parti royal. Mais cette maison avait trop à faire en Lorraine, en Italie. L'égoïste et politique Yolande voulait gagner du temps, ménager les Anglais, ne pas les attirer dans les domaines patrimoniaux de la maison d'Anjou. Elle attendait du moins que ses fils fussent affermis en Lorraine et à Naples. Elle fut toutefois utile à son gendre Charles VII. Par ses sages conseils, elle éloigna de lui les vieux Armagnacs. Elle eut l'adresse de lui ramener les Bretons. Elle fit donner l'épée de Connétable au frère du duc de Bretagne, au comte de Richemont. Richemont n'accepta qu'en stipulant que le roi éloignerait de lui les meurtriers du duc de Bourgogne. C'étaient les Bretons qui avaient sauvé le royaume au temps de Du Guesclin. Charles VII, réunissant les Bretons, les Gascons, les Dauphinois, avait dès lors de son côté la vraie force militaire de la France. L'Espagne lui envoyait des Aragonais, l'Italie des Lombards. Et avec tout cela, la guerre languissait. L'argent manquait, l'union encore plus. Les favoris du roi firent échouer Richemont dans ses premières entreprises. Ce ne fut pas, il est vrai, impunément. Le rude Breton en fit tuer deux en 6 mois sans forme de procès. Puisqu'il fallait au roi un favori, il lui en donna un de sa main, le jeune la trémouille, et le premier usage que celui-ci fit de son ascendant fut de faire éloigner Richemont. Le roi, chose bizarre, défendit à son connétable de combattre pour lui. Les gens du roi et ceux de Richemont étaient sur le point de tirer l'épée les uns contre les autres. Ainsi, Charles VII se trouvait moins avancé que jamais. Il avait essayé des Gascons, des Écossais, des Bretons, tous braves, tous indisciplinables. Ni le refroidissement du duc de Bourgogne à l'égard des Anglais, ni la soumission apparente du Languedoc, ni le rapprochement des maisons d'Anjou et de Lorraine ne lui avaient donné de force effective. Son parti semblait incurablement divisé et pour toujours impuissant. Les Anglais, bien instruits de cette désorganisation, crurent que le moment était arrivé de forcer enfin la barrière de la Loire et ils rassemblèrent autour d'Orléans ce qu'ils avaient de troupes disponibles et toutes celles qu'ils purent faire venir. Cela ne faisait guère au total que 10 ou 11 000 hommes, mais c'était encore un grand effort dans la situation où étaient leurs affaires. Le duc de Gloucester troublait l'Angleterre de ses querelles avec son oncle le cardinal de Winchester. En France, Bedford ne pouvait tirer d'argent d'un pays si complètement ruiné. Pour attirer ou retenir les grands seigneurs anglais et leurs hommes, il fallait leur faire sans cesse de nouveaux dons de terres, de fiefs, c'est-à-dire mécontenter de plus en plus la noblesse française. Le chroniqueur parisien remarque qu'alors il n'y avait presque plus de gentilshommes français dans le parti anglais. Tous, peu à peu, avaient passé de l'autre côté. L'armée anglaise semblait peu nombreuse pour envelopper Orléans et barrer la Loire. Mais du moins, c'étaient les meilleurs soldats que les Anglais eussent en France, et ils suppléaient leur petit nombre par des travaux prodigieux. Ils formèrent autour de la ville, non une enceinte continue comme Édouard III autour de Calais, mais une série de forts ou bastilles qui devaient surveiller les intervalles qu'on laissait entre elles. Le plan qu'un savant ingénieur a tracé de ses travaux d'après les rapports du temps est véritablement formidable. Chaque bastille était commandée par un des premiers lords d'Angleterre, du côté de la Beauce par le lord commandant du siège Salisbury, par les Suffolk, par le brave des braves, le vieux lord Talbot. La forte et triple bastille du sud, au-delà de la Loire, au poste le plus dangereux, était commandée par un homme moins connu mais déterminé, ennemi furieux de la France, William Glasdale, qui avait juré que s'il entrait dans la ville, il tuerait tout, hommes, femmes et enfants. Le nom même de ces bastilles anglaises indiquait assez la ferme résolution de ne pas quitter le siège, quoi qu'il arrivât. L'une s'appelait Paris, l'autre Rouen, l'autre Londres. Quelle honte eussent été aux Anglais de rendre Londres. Ces bastilles n'étaient pas des forteresses muettes, mais comme des ennemis vivants qui, parmi les injures et les bravades, vomissaient dans la place des boulets de pierre, du poids de 120, de 160 livres. D'autres bastilles, plus éloignées, c'étaient les places du voisinage, Montargis, Rochefort, Le Puisay, Beaugency, Meung, dont les assiégeants s'étaient préalablement assurés et qui étaient devenues des places anglaises. Orléans méritait ses grands efforts. Ce n'était pas seulement le centre de la France, le coude de la Loire, la clé du Midi. Ses avantages sont ceux de la situation, mais quant à la population même, c'était la vie même et le cœur d'un parti. À l'époque où les brigandages des Armagnacs firent passer toutes les villes dans le parti bourguignon, Orléans resta fidèle. Lorsque la réaction eut lieu à Paris contre ce parti, c'est à Orléans que les princes envoyèrent les femmes et les enfants des fugitifs qu'ils voulaient garder en otage. Les bourgeois montrèrent un zèle extraordinaire. Ils consentirent sans difficulté à laisser brûler leur faubourg, c'est-à-dire toute une ville plus grande que la ville, je ne sais combien de couvents, d'églises, qui auraient été autant de postes pour les Anglais. Ils laissèrent faire, et ils firent eux-mêmes. Ils se taxèrent, ils fondirent des canons. Leur franchise les dispensait de recevoir garnison, ils en demandèrent une, ils reçurent tout ce qu'on leur envoya, 4 ou 5 000 soudards de toutes nations, des Gascons, Xaintry, Lahire, Albret, des Italiens, le signore Valperga, des Aragonais, dont Mathias et dont Corazze, des Écossais, un Stuart, enfin le bâtard d'Orléans et 60 bouches à feu. Il y avait quelques Lorrains, envoyés peut-être par le duc de Lorraine ou par son gendre, le jeune René d'Anjou, duc de Bar. Orléans se vit assiégé avec une gaieté héroïque. Les Anglais n'ont pu fermer la place du côté de la Sologne. Il entrait toujours des vivres, en une fois 900 porcs. On se moquait des boulets anglais, qui ne tuaient presque personne. On assurait qu'un boulet avait déchaussé un homme sans lui toucher même le pied. Au contraire, les canons orléanais faisaient rage. Ils avaient des noms terribles. L'un d'eux s'appelait Riflard. Il y avait encore la célèbre couleuvrine d'un habile canonnier lorrain, Maître Jean. À eux deux, homme et couleuvrine, ils faisaient les plus beaux coups. Les Anglais avaient fini par connaître ce Maître Jean. Il ne se délassait de les tuer qu'en se moquant d'eux. De temps à autre, il faisait le mort, il se laissait choir, on l'emportait dans la ville. Les Anglais étaient dans la joie. Alors il revenait plus vivant que jamais et tirait sur eux de plus belle. Les violons ne manquaient pas. Ceux de la ville en envoyèrent aux Anglais pour diminuer leur spleen dans les ennuis de l'hiver. Dunois fit aussi passer à ce folk une bonne fourrure en échange d'une assiette de figues. Ce qui égaya beaucoup plus les Orléanais, c'est qu'un jour où le général en chef Salisbury visitait les Tournelles, Glassdale lui montrait Orléans et disait « My lord, vous voyez votre ville ?» Il regarda mais ne vit rien. Un boulet lui ferma l'œil et lui emporta une partie de la tête. Ce boulet était parti justement d'une tour appelée Notre-Dame. Or, Salisbury avait récemment pillé Notre-Dame de Cléry. Du 12 octobre 1428 au 12 février 1429, le siège continua avec des succès variés. Sorties, fausses attaques, combats pour l'entrée des vivres, duels même pour éprouver et amuser les deux parties. Une fois, c'était deux Gascons contre deux Anglais, et les nôtres eurent l'avantage. Un autre jour, on fit battre les pages des deux armées. Les pages anglais l'emportèrent. 6 Français se présentèrent aux bastilles anglaises pour jouter, et les Anglais n'acceptèrent point. Ils complétaient lentement leurs fortifications, et l'on pouvait prévoir que la ville finirait par être à peu près fermée. Quelque insouciant que le roi parut de sauver l'apanage du duc d'Orléans, il était clair qu'Orléans, une fois tombé, les Anglais avanceraient librement en Poitou, en Berry, en Bourbonnais, qu'ils vivraient aux dépens de ces provinces, qu'après avoir ruiné le Nord, ils ruineraient le Midi. Le duc de Bourbon envoya son fils aîné, le comte de Clermont. Des Écossais, des seigneurs de Touraine, de Poitou, d'Auvergne, devaient, sous ce jeune prince, secourir Orléans, y introduire des vivres, et même empêcher qu'il n'arrivât des vivres au camp anglais. Le duc de Bedford en envoyait de Paris sous la conduite du brave Sir Falstaff. Il avait profité de la vieille encabochienne de Paris contre Orléans pour joindre à ses Anglais bon nombre d'arbalétriers parisiens et le prévôt même de Paris. Ils amenaient 300 charrettes de munitions, de vivres, de harengs surtout, provisions indispensables du carême. Troupes, charrettes, tout le convoi venait à la file. Rien n'était plus facile que de les couper et de les détruire. Le Gascon Lahire, qui était en avant des Français, brûlait de tomber sur eux. Mais il reçut défense expresse du prince qui s'avançait lentement avec le gros de la troupe. Cependant, les Anglais avaient pris l'alarme. Falstaff s'était concentré au milieu de ses charrettes et d'une enceinte de pieux aigus que ses prévoyants anglais portaient toujours avec eux. À droite, les archers anglais, à gauche, les arbalétriers parisiens. Quoi que pût dire le comte de Clermont, la haine emporta ces gens. Les Écossais se jetèrent à bas de cheval pour combattre de plein pied les Anglais. Les Gascons armagnacs sautèrent sur leurs vieux ennemis, les Parisiens. Mais ceux-ci tinrent ferme. Écossais et Gascons ayant ainsi rompu leur rang, les Anglais sortirent de l'enceinte, les poursuivirent et en tuèrent 300 ou 400. Le comte de Clermont resta immobile. Lahire était si furieux qu'il revint sur les Anglais dispersés à la poursuite et en tua quelques-uns. Il fallut rentrer dans Orléans après ce triste combat. Les Orléanais, toujours satiriques, l'appelèrent la bataille des harengs. En effet, les boulets avaient crevé les barils et la plaine était jonchée de harengs plus que de morts. Quelque léger que fût l'échec, il découragea tout le monde. Les plus avisés s'empressèrent de quitter une ville qui semblait perdue. Le jeune comte de Clermont eut la faiblesse de partir avec ses 2000 hommes. L'amiral de France, le chancelier de France, pensèrent que ce serait dommage si les grands officiers du roi étaient pris par les Anglais, et ils s'en allèrent aussi. Les hommes d'armes n'espérant plus de secours humain, les prêtres ne comptèrent pas beaucoup sur le secours divin. L'archevêque de Reims partit, l'évêque même d'Orléans laissa ses brebis se défendre comme elles pourraient. Ils s'en allèrent tous le 18 février, assurant aux bourgeois qu'ils reviendraient bientôt en force. Rien ne put les retenir. Le bâtard d'Orléans, qui défendait avec autant d'adresse que de vaillance l'apanage de sa maison, leur disait en vain, depuis le 12, qu'on devait attendre secours miraculeux, qu'il allait venir des marches de Lorraine une fille de Dieu qui promettait de sauver la ville. L'archevêque, qui était un ancien secrétaire du pape, un vieux diplomate, ne s'arrêta pas beaucoup à ces histoires de miracles. Dunois lui-même ne comptait pas tellement sur le secours d'en haut, qu'il n'employait un moyen très humain, très politique, contre les Anglais. Il envoya Xaintrailles au duc de Bourgogne pour le prier, comme parent du duc d'Orléans, de prendre sa ville en garde. Le duc, Philippe le Bon, venait justement d'acquérir, outre la forte position de Namur, le Hainaut et la Hollande, ces deux ailes de la Flandre que les Anglais lui avaient si maladroitement disputées. On le priait de se faire donner la grande et importante position du centre de la France. Il était en train d'acquérir. Il ne refusa pas Orléans. Il alla droit à Paris et dit la chose à Bedford, qui répondit sèchement qu'il n'avait pas travaillé pour le duc de Bourgogne. Celui-ci, fort blessé, rappela ce qu'il avait de troupes au siège d'Orléans. Nous ne savons pas si les Anglais perdirent beaucoup d'hommes au départ des Bourguignons. Au reste, ils avaient justement achevé leurs travaux autour de la ville. Les Bourguignons partirent le 17 avril. Dès le 15, les Anglais avaient fini leur dernière bastille du côté de la Beauce, celle qu'ils nommaient Paris. Le 20, ils terminèrent du côté de la Sologne, celle de Saint-Jean-le-Blanc, qui fermait la Haute-Loire, d'où les Orléanais tiraient jusque-là leurs approvisionnements. Les vivres entrant avec peine, le mécontentement commença. Beaucoup de gens trouvaient sans doute que la ville avait fait bien assez de sacrifices pour se conserver à son seigneur. Il valait mieux qu'Orléans devint anglais que de ne plus être. Les choses n'en restèrent pas là. On trouva qu'il avait été fait un trou dans le mur de la ville. La trahison était évidente. D'autre part, Dunois ne pouvait rien attendre de Charles VII. Les États, assemblés en 1428, avaient voté de l'argent, sommé les tenants fiefs de leur service féodal. Ils n'étaient venus ni homme ni argent. Le receveur général n'avait pas 4 écus en caisse. Quand Dunois envoya l'Aïr pour demander du secours, le roi, qui le fit dîner avec lui, n'eut, dit-on, à lui donner qu'un poulet et une queue de mouton. Quoi qu'il en soit de cette historiette, la situation désespérée de Charles VII est prouvée par l'offre exorbitante qu'il avait faite aux Écossais de leur céder le Berry pour le prix d'un nouveau secours. Nous ne connaissons pas bien les intrigues qui divisaient cette petite cour. Dans cette extrême détresse, les divisions y avaient naturellement augmenté. Les vieux conseillers Armagnac, éloignés quelque temps par Richemont et par la belle-mère du roi, devaient reprendre crédit. Ce parti méridional aurait consenti volontiers à avoir un roi du Midi, siégeant à Grenoble. Au contraire, la belle-mère du roi, duchesse d'Anjou, ne pouvait conserver l'Anjou si les Anglais passaient définitivement la Loire. Elle était unie en cela avec la maison d'Orléans. Mais la maison d'Anjou avait tant d'autres intérêts, si variés, si divers, qu'elle croyait devoir ménager toujours les Anglais, négocier toujours. Lorsque la défense d'Orléans parut désespérée, en mai 1429, le vieux cardinal de Bar se hâta de traiter avec Bedford, au nom de son neveu René d'Anjou, de peur qu'il ne manquât la succession de Lorraine, sauf à se laisser désavouer par René si les affaires de Charles VII prenaient une autre face. La ruine imminente d'Orléans avait effrayé les villes voisines de la Loire. Les plus proches, Angers, Tours et Bourges, envoyèrent des vivres, Poitiers et La Rochelle de l'argent, puis les Foix gagnants, le Bourbonnais, l'Auvergne, le Languedoc même, firent passer aux Orléanais du salpêtre, du soufre et de l'acier. Peu à peu, la France entière s'intéressait au sort d'une ville. On était touché de cette brave résistance des Orléanais, de leur fidélité à leur seigneur. On avait pitié d'Orléans, du duc d'Orléans aussi. Il ne suffisait donc pas aux Anglais de le retenir prisonnier toute sa vie. Ils voulaient lui prendre son apanage, le ruiner, lui et ses enfants. Ce nouveau malheur renouvelait la mémoire de tant d'autres malheurs de cette maison. Il n'était pas d'homme qui n'eût chanté dans son enfance les complaintes qui couraient alors sur la mort de Louis d'Orléans. Charles d'Orléans, prisonnier, ne pouvait défendre sa ville, mais ses ballades passaient le détroit et priaient pour lui. Chose touchante et qui honore la nature humaine, au milieu des plus terribles misères, parmi la désolation et la famine, lorsque les loups prenaient possession des campagnes, lorsqu'au dire d'un contemporain, il n'y avait plus une maison debout hors les villes, depuis la Picardie jusqu'en Allemagne, ce peuple était encore sensible aux maux des autres. Il réservait sa pitié pour un prince prisonnier, un prince, un poète, fils d'un homme assassiné, et lui-même voué pour toute la vie à cette mort de la captivité et de l'exil. Les femmes surtout éprouvaient ces sentiments de pitié. Moins dominées par l'intérêt, elles sont plus fidèles au malheur. En général, elles ne furent pas assez politiques pour se résigner au joug étranger. Elles restèrent bonnes françaises. Du Guesclin savait qu'il n'y avait rien de plus français en France que les femmes, lorsqu'il disait « Il n'y a pas une fileuse qui ne file une quenouille pour ma rançon ». L'un des premiers exemples de résistance avait été donné par une jeune femme, la dame de la Roche-Guyon. Elle défendit longtemps cette forteresse qui lui appartenait, et forcée de la rendre, refusa d'en faire hommage aux Anglais. Ceux-ci osèrent lui proposer d'épouser un traître, Guy Bouteillier, qui avait trahi Rouen. Ils voulaient mettre un homme à eux dans cette place importante de la Roche-Guyon. Il lui eut la place, mais non la dame. Elle aima mieux laisser tout et s'en aller pauvre avec ses enfants. Les femmes étaient restées françaises. Les prêtres redevinrent français. Ils avaient fini par apercevoir que les Anglais, avec tous leurs beaux semblants d'égard pour l'Église, en étaient les vrais ennemis. Après avoir essayé d'imposer l'Église d'Angleterre, Bedford fit à celle de France l'exorbitante demande de céder au roi pour les besoins de la guerre tous les biens à rente qui avaient été donnés à l'Église depuis 40 ans. Ces deux propositions portèrent malheur aux Anglais. Ils succédèrent à la réputation d'impiété qu'avaient eue les Armagnacs. Le pillage de quelques églises attira sur eux l'exécration du peuple. La grandeur des Lancastres n'avait pas une base ferme. Elle reposait sur deux mensonges. En Angleterre, ils avaient dit « Nous ne demandons à l'Église que ses prières ». Et ils voulaient toucher au bien de l'Église. En France, ils avaient dit « Nous sommes les vrais héritiers du trône, usurpés depuis Philippe de Valois. Nous sommes les vrais rois de France, nous sommes Français. » Un tel mot aurait pu tromper dans la bouche d'Édouard III, qui était français par sa mère et qui parlait encore français. Mais par un contraste bizarre, c'est justement à l'avènement d'Henri V que la Chambre des communes commence à rédiger ses actes en anglais. Lorsque ces prétendus français nous faisaient la grâce de se servir de notre langue, ils la défiguraient et la maltraitaient tellement qu'ils semblaient ennemis de la langue autant que de la nation. Avec tout cela, les Anglais avaient une chose pour eux, c'est que leur jeune roi, Henri VI, était certainement français par sa mère et petit-fils de Charles VI. Il ne ressemblait que trop à son grand-père pour la faiblesse d'esprit. Au contraire, la légitimité de Charles VII était bien douteuse. Il était né en 1403, au plus fort des liaisons de sa mère avec le duc d'Orléans. Elle-même avait accédé aux actes dans lesquels il était appelé le soi-disant dauphin. Henri VI n'avait pas encore été sacré à Reims. Mais Charles VII ne l'était pas non plus. Le peuple de ce temps ne reconnaissait un roi qu'à deux choses, la naissance royale et le sacre. Charles VII n'était pas roi selon la religion, et il n'était pas sûr qu'il le fût selon la nature. Cette question, indifférente pour les politiques qui se décident suivant leurs intérêts, était tout pour le peuple. Le peuple ne veut obéir qu'au droit. Une femme avait obscurci cette grande question de droit. Une femme sut l'éclaircir.